sable d'Attaque Québec. Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser. Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser. Bonjour, chers auditeurs. C'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à nouveau à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale, préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par notre camarade Nicolas Montrand. Bonsoir Nicolas. Au programme aujourd'hui, une lettre rédigée par un collectif d'auteurs parmi lesquels on retrouve plusieurs personnalités d'Attaque, dont Claude Vaillancourt, co-président d'Attaque Québec, qui est paru dans Le Devoir de mercredi dernier. Alors peut-être vous en avez déjà entendu parler, ou vous l'avez même lu. Donc, elle dénonce la négociation d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Pour en parler, nous serons rejoints, comme chaque semaine, par Cédric Leterme, avec qui nous évoquerons en première partie d'émission le contenu de cette lettre et les inquiétudes qui entourent les négociations de cet accord avec l'Europe. En deuxième partie, alors cette semaine, nous allons retrouver notre fidèle collaboratrice Marie-Josée Vachon, qui viendra nous présenter sa chronique mensuelle consacrée à l'Amérique latine, qui portera cette semaine sur les femmes et la politique en Amérique latine. Tout ceci, bien entendu, après une courte pause musicale, donc restez bien branchés avec nous sur les ondes de CKRL. Alors je vous rappelle que cette radio, elle cultive vos goûts. Avec une tête de quiconque, il arpente les rues d'Angers. Et si vous le croisez, vous ne penseriez peut-être pas la même chose que moi. Mais chacun voit midi à sa porte, moi c'est du cœur à l'ouvrage qu'il me fredonne, qu'il me résonne. Il y a des gens qui vous raisonnent sans qu'ils s'en aperçoivent. Moi c'est mon oncle avec lequel je trinque. Ses différences et son âge mûr me racontent des histoires incroyables qu'on dirait des légendes. Du feu mis à l'autel de l'église où il n'a jamais voulu se marier. Quoi qu'il dise bonjour des fois à mon oncle pour pas dire qu'on le fait. Y a des gens qui se chantent sans qu'ils s'en aperçoivent. Moi c'est mon oncle avec lequel je trinque. De bonne humeur malgré son décor, ben moi j'y crois à son cinéma. Quand je l'accompagne jusqu'à l'autocar direction la LPM. Persuadé qu'ils ne parlent pas leur langue, c'est peut-être ça qui tangue. Mais ça fait tellement de tempêtes qu'il essuie que finalement, ben, c'est d'autres choses la vie. Y'a des gens qui sont beaux sans qu'ils s'en aperçoivent. Moi, c'est mon oncle avec lequel je trinque. D'envie de tout changer ou peut-être pas, d'ailleurs un jour il passera. Me chercher, oublier les valises, on pourra se tirer sur une île de beauté. Et qu'on fera la fête et les fous sans s'en rendre bien compte. Car finalement les mathématiques machin, ben c'est pas notre terrain. Et qu'on fera la fête et les fous sans s'en rendre bien compte. Avec mon oncle. On fera la fête et les fous sans s'en rendre bien compte avec mon oncle Michel. On vient d'entendre La rue qui est à nous, mon oncle. Merci Nicolas. De retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, je vous parlais en début d'émission d'une lettre ouverte de Paris dans Le Devoir de mercredi dernier. Alors, cette lettre visait à mettre en lumière les inquiétudes des auteurs par rapport au projet d'accord de libre-échange qui est en train d'être négocié entre le Canada et l'Union européenne. Parmi les signataires, on retrouve notamment Claude Vaillancourt, co-président d'Attaque Québec. Alors, pour discuter du contenu de cette lettre et plus largement des craintes, entre autres, parce que semble-t-il qu'il y a des craintes qui entourent la négociation de cet accord, alors, je suis rejointe par Cédric Leterme, producteur et chroniqueur assidu de l'émission. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Valérie. Alors, est-ce que tu peux nous parler donc un peu de cette lettre? Qui l'a écrite, en fait? Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Ben, tout à fait. Ben, donc, comme tu l'as dit, c'est une lettre qui a été rédigée par un ensemble d'auteurs, un collectif d'auteurs, qui est paru mercredi dernier dans Le Devoir. les signataires de la lettre, ils sont aussi bien canadiens qu'européens. C'est quand même intéressant à souligner, puisque ça montre bien que l'opposition à l'accord, elle est des deux côtés de l'Atlantique. Mm-hmm. Hein, c'est vraiment des craintes qui sont partagées par l'ensemble de la société civile, qu'elle soit européenne ou canadienne. Donc plus attaque France et attaque Québec. Oui, c'est tout cela. Okay. Mais beaucoup d'autres groupes aussi, mm-hmm. à travers le Canada ou à travers l'Europe. Donc parmi les signataires, bon, on retrouve justement les signataires de la lettre ici qui a été publiée dans Le Devoir. On retrouve quelques personnalités quand même assez connues, comme par exemple Normand Baillargeon, qui est un professeur d'université à Montréal, qui a écrit notamment l'ouvrage Manuel d'autodéfense intellectuelle, qui est vraiment très intéressant. On retrouve aussi José Bové, qui est un des plus célèbres leaders altermondialistes en France et qui est assez connu en Europe aussi pour ça. Mm-hmm. Suzanne Georges aussi, économiste renommée, qui est présidente d'honneur d'Attaque France. On retrouve aussi Naomi Klein qui a signé cette lettre. Naomi Klein qui est aussi une altermondialiste assez connue, hein, qui a écrit de nombreux ouvrages, dont No Logo et Stratégie du choc, qui sont aussi très excellents. Stephen Lewis aussi a signé la lettre, ancien ambassadeur du Canada aux Nations Unies. On a Aurélie Trouvé, également d'Attaque France, elle est économiste, elle. Puis enfin, comme tu l'as dit, on a aussi Claude Vaillancourt, qu'on connaît ici à l'émission, parce qu'on l'a déjà accueilli quelques fois, coprésident donc d'Attaque Québec. Alors, en fait, toutes ces personnalités-là qui ont signé la lettre qui est parue dans Le Devoir, elles partagent en fait les mêmes craintes en ce qui concerne la négociation de ce qu'on nomme l'AECG, c'est-à-dire l'accord économique et commercial global. En gros, c'est un accord de libre-échange qui est en train d'être négocié actuellement et qui lierait donc le Canada avec l'Union européenne. Alors, il faut savoir que la campagne d'opposition, on va dire, à cet accord, c'est vraiment une des campagnes principales d'Attaque Québec pour l'instant, et de beaucoup d'autres organismes aussi, mais d'Attaque Québec en particulier, cette année, parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui vont pas avec la négociation de cet accord-là, à commencer par le secret quasi total qui l'entoure. Ah oui. Il faut savoir qu'on en est déjà à la 5e séance de négociation qui a eu lieu justement aujourd'hui à Ottawa, elle s'est terminée aujourd'hui. Et on en entend très peu parler. Et jusqu'à présent, il n'y a que les lobbies d'affaires qui ont été consultés en bonne et due forme dans le processus de négociation. Et le problème, c'est que évidemment, les implications d'un accord comme ça, elles sont considérables. Elles dépassent de loin les simples questions commerciales et économiques, comme c'est souvent le cas évidemment avec les accords de libre-échange. Et on connaît beaucoup d'exemples. Donc la principale revendication, en tout cas, du réseau pour le commerce juste, c'est en fait le réseau qui s'est constitué ici au Canada pour s'opposer à cet accord-là, qui regroupe ATTAC, mais qui regroupe aussi une kyrielle d'autres organisations de la société civile. C'est donc la revendication de ce réseau-là, c'est de suspendre pour l'instant les négociations et d'inclure évidemment les populations concernées, que ce soit du côté européen ou canadien, dans le processus de négociation pour qu'on soit certain que les intérêts de la collectivité soient pris en compte et non pas, comme ça a l'air d'être le cas pour l'instant, les seuls intérêts des multinationales européennes et canadiennes. Alors, qu'est-ce qui fait dire à ATTAC qu'il y a un risque exactement, puisque tu as dit que les négociations étaient secrètes? Oui, ben déjà, le simple fait que les négociations soient secrètes, ça pose quand même question sur ce que le gouvernement essaie de nous cacher en gardant autant de mystères autour de ces négociations-là. Si, comme il l'affirme, le projet est censé bénéficier à tout le monde et que c'est censé être vraiment quelque chose de génial pour le Canada et pour l'Europe, on se demande un peu de quoi est-ce qu'ils ont si peur. Comme l'accord de libre-échange. Exactement. On se demande de quoi ils ont peur en rendant public les négociations et en rendant les négociations transparentes, en permettant aux gens de savoir ce qui se passe. L'autre chose, c'est que ça rappelle quand même d'assez mauvais souvenirs, tout ce mystère autour de ces négociations-là. On se souvient par exemple de ce qui s'était passé en 98 avec la négociation de l'AMI. C'était l'accord multilatéral sur les investissements qui prévoyait entre autres c'est un accord au niveau international qui prévoyait entre autres d'accorder aux investisseurs, donc aux multinationales, des droits de recours juridiques contre les États. Donc ça donnait la possibilité aux multinationales de poursuivre les États. Cet accord-là avait été finalement, il avait été négocié dans le plus grand secret, comme c'est le cas actuellement pour l'accord de libre-échange avec l'Europe. Et puis finalement, il avait été mis en échec grâce à des fuites qui étaient parvenues à diverses organisations de la société civile et qui avaient permis de montrer que son contenu était proprement scandaleux. Alors, ce qui se passe avec l'accord actuellement l'accord qui est négocié entre l'Union européenne et le Canada, c'est qu'il y a aussi eu des fuites. Ça c'est évident puisque c'est quasi impossible de garder un secret total sur des négociations d'un accord d'une telle ampleur. Mm-hmm. Donc forcément il y a des fuites qui parviennent et donc il y a diverses organisations dont ATTAC notamment qui ont pu se procurer le projet d'accord, les éléments sur lesquels les négociateurs discutent pour l'instant. Et puis aussi à partir des documents officiels qui ont été émis, même si on a eu peu, le gouvernement rend quand même des comptes de temps en temps. Donc sur la base de ces différentes sources-là, on a pu voir que les craintes de la société civile étaient vraiment largement fondée et qu'elle se vérifiait au fur et à mesure que le processus de négociation avançait. Et donc pour nous, il faut vraiment de toute urgence mettre fin aux négociations en cours, en tout cas mettre un frein sérieux jusqu'à ce qu'on puisse avoir une implication beaucoup plus large de la population dans ces négociations-là. Quoi. Donc elle porte sur quoi ces craintes? Les craintes, exactement. En fait, j'ai ici avec moi un document qui a été réalisé justement par le réseau pour le commerce juste, donc cette coalition d'organismes qui s'y opposent. Ce document a été, il est sorti sous la forme d'une bande dessinée qui est vraiment très bien faite. Oui, tout à fait. Je l'ai moi aussi sous les yeux, voilà, je vois. Tout à fait. Je vous confie en mon tuteur. C'est assez pédagogique, c'est assez bien fait. En fait, le document reprend les 10 raisons pour lesquelles il faudrait s'opposer à l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Juste pour faire une petite parenthèse, ce document-là, il est accessible en fait en ligne pour les auditeurs éventuellement qui voudraient aller le télécharger ou juste jeter un coup d'œil. Il est accessible sur le site du réseau pour un commerce juste. L'adresse, c'est www.tradejustice.ca. Donc, sinon, vous pouvez taper réseau pour un commerce juste dans Google, vous allez le trouver. Et en même temps, ils pourront aussi trouver toutes sortes d'infos sur l'accord, sur ce qu'il contient exactement, les différentes actions qui vont être menées aussi, et puis des différents points de vue d'environnementalistes, d'économistes, etc., qui ont été publiés. En ce qui concerne cet accord, il y a une quantité d'informations en français. Le site est fait dans les deux langues. Donc, je vous invite vraiment à aller le visiter. Par contre, pour en revenir à ta question et au document en question, je vous proposais en fait aujourd'hui de passer en revue simplement rapidement les 10 raisons qui sont incluses dans le document-là et qui justifient à notre sens et au sens de tous ceux qui l'ont rédigé et qui font partie de la coalition qui sont opposés à cet accord-là, qui justifient qu'on s'oppose justement à la conclusion de cet accord. Alors allons-y, on t'écoute, tu as toute la tribune pour toi. On va commencer par la première raison. Alors, la première raison qui est dénoncée par le document, qui est dénoncée par les organismes, c'est que l'AECG, donc l'accord économique global, accord économique et commercial global, c'est qu'il menace en fait nos services publics, puisque une des revendications traditionnelles dans ce genre d'accord-là de libre-échange, on retrouve ça vraiment partout, c'est vraiment le même moule qui est adopté encore et encore, c'est de démanteler les services publics, c'est de les libéraliser et de les privatiser ensuite pour que les compagnies étrangères puissent se porter candidates librement pour pouvoir les exploiter. Évidemment, ça pose de nombreux problèmes, comme d'habitude avec ce genre de procédé-là, en termes d'accès à ces services par la suite, parce que c'est très important que les services publics puissent bénéficier d'un accès universel pour tout le monde. Or, quand c'est libéralisé, privatisé, et à plus forte raison, quand on autorise des multinationales étrangères qui n'ont aucun compte à rendre au niveau national à soumettre pour ces marchés-là, on a vraiment un gros risque que les prix augmentent, que éventuellement la qualité des services diminue, parce qu'il y a certains éléments de ces services qui sont jugés moins rentables, donc on va peut-être faire en sorte aussi qu'il y a des parties de services qui vont être coupées, etc. Donc ça, c'est vraiment une des premières raisons qui crée beaucoup d'inquiétude, en tout cas, avec cet accord-là. Effectivement, moi, juste à t'entendre, juste cette première raison-là, ça serait suffisant pour arrêter les négociations. Une, ça suffit. Alors, j'ai un peu peur, les amis, là. On en a 9 autres. Alors, pour la deuxième? La deuxième menace qui est contenue un peu dans les négociations autour de cet accord-là, ça concerne la possibilité pour les gouvernements de favoriser la création d'emplois locaux. On craint qu'avec la mise en place d'un tel accord, on puisse plus favoriser des entreprises locales, notamment lorsque le gouvernement doit émettre des marchés publics, donc lorsque le gouvernement doit dépenser pour un quelconque projet. Et au final, l'argent qui est dépensé, c'est l'argent de vos impôts et taxes, donc ce serait quelque part logique qu'on privilégie des entreprises locales pour que l'argent revienne à la collectivité en quelque sorte. Or évidemment, les négociations actuelles, elles portent sur une ouverture des marchés publics justement aux entreprises européennes, qui interdirait évidemment ce genre de mesures qui visent à privilégier des entreprises locales. Donc ça, c'est vraiment une deuxième inquiétude quand même assez forte autour de l'accord. Alors, par la suite, on a droit à une troisième raison. On a droit à une troisième raison. Le troisième problème qui est soulevé par le document, ça concerne la gestion de l'eau. En fait, les négociateurs de l'Union européenne veulent que les services d'eau potable fassent partie de l'accord final. Donc ça pourrait entraîner un risque de mainmise inquiétante des multinationales européennes sur les services municipaux de traitement, de distribution de l'eau, voire même de l'eau elle-même. En tout cas, ça pourrait initier un espèce de mouvement à la privatisation de l'eau. Et ça pourrait créer les conditions juridiques pour qu'un contrôle par les multinationales de nos ressources, des cadres de distribution, etc., soient assurés. Donc là, il y a vraiment un gros risque aussi, puisqu'on sait que l'eau, c'est quand même une ressource excessivement précieuse et qu'il faut tout faire pour maintenir sa gestion dans un cadre le plus public possible. Donc le simple fait que ça soit sur la table et que les Européens sont en tout cas très insistants pour que ça fasse partie de l'accord final, ça constitue vraiment aussi un gros risque sur lequel il faut vraiment insister. Tout à fait. Puis avant d'aller en pause pour la quatrième raison de s'inquiéter, Mais la quatrième raison que reprend le document, c'est que l'accord menace le système de santé canadien. C'est toujours un peu dans le même ordre d'idée. Quand on dit que les services publics sont sur la table des négociations, on veut bien dire l'ensemble des services publics. Donc ça inclut évidemment les soins de santé, qui sont probablement un des services publics les plus importants. Le risque avec un tel accord, c'est qu'il, premièrement, c'est possible qu'ils soumettent l'assurance maladie à des pressions croissantes pour une privatisation. Et puis, c'est probable aussi que les compagnies européennes finiront par obtenir un droit d'accès beaucoup plus étendu à nos services de santé, ce qui, de nouveau, pourra en compromettre l'accessibilité pour tous, puisqu'on sait ce qui arrive avec quand on passe à des systèmes de santé privés. Généralement, les prix explosent. Okay, oui. La qualité du service diminue pour ceux qui n'ont pas les moyens de se permettre les services privés, etc. Donc ici encore, c'est vraiment une orientation qui serait vraiment très inquiétante à adopter si on inclut ça dans l'accord. Oui, tout à fait. Très rétrograde, en fait. Pas très rassurant, tout ça. Alors, c'est l'heure de faire une petite pause musicale, question de se détendre et de changer les idées un peu. Et on se retrouve tout de suite après avec Cédric Le Terme pour la suite de notre dossier consacré à l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Restez avec nous! J'étais encore un enfant quand on s'est rencontré. J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais. Le jour où je t'ai roulé ma première galoche, tu m'as tapé dans l'œil avant que je t'aie dans la poche. Depuis, ma vie se résume à une course poursuite. Chaque fois que je tente de t'effleurer, dis-moi pourquoi tu prends la fuite. Avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien. En avoir pour son toit j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit. Du chagrin je l'ai gros sur la patate. Je croque de toi sauf quand tu craques. J'ai les bourses qui se rétractent. Ta courbe croissante m'enchante. Mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières. Tu parles toutes les langues et sais briser les barrières. Snob, la pauvreté te fait horreur. Je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur. Tu fais pas le bonheur, procure du plaisir. Mais plus je te désire et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver les rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. T'es fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache, je finirai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée. Quand apprendras-tu à te poser? Ne me quitte pas, il paraît-il, de placement fertile, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi. Et même si ce domaine existe déjà, imprévisible, soudain visible, d'autres t'ont pris pour cible. Reviens dans mes bras, pour toi je serai crédible. Au bal je t'ai invité à ma table et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable. Pendant que je me faisais biaiser, d'autres avaient déjà appris à savoir léser. Au début j'étais rongé par la jalousie. Et puis j'ai bien vite compris que tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui. Toutes ces formes font rêver mais dans le fond y'a rien. Un palpable liquide tu fonds dans leurs mains. À peine ils tombent tu lormes déjà sur les voisins. Tu les rends possessifs, jaloux, radins et méchants. T'es parti à la conquête du monde entier. Et le monde entier a succombé à tes charmes de papier. Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds. Mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette. Mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette. Maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras à des riches, pépette, mais t'es malheureuse comme les blés. T'étais fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. T'as eu tous les hommes à tes pieds, mais le seul amant qui t'est manqué, c'est la liberté. Bien entendre Java, pépette. Merci. Alors, de retour au grain de sable sur les ondes de CKRL. Valérie Blouin qui est toujours à l'animation et je suis toujours en compagnie de Cédric Le Terme avec qui on est en train de passer en revue les 10 raisons, dans le fond, pour lesquelles il faut s'opposer Donc, qu'on a matière à s'inquiéter, entre autres, à l'accord de libre-échange Canada et Union européenne, dont Attaque Québec dénonce, entre autres. Alors, Cédric, on était rendu à la cinquième raison. Oui, tout à fait. Ben donc, la cinquième raison pour laquelle on pourrait vraiment s'inquiéter de la négociation de cet accord de libre-échange avec l'Europe, c'est que un accord comme ça, ça risque vraiment de poser une certaine menace à l'environnement. Le document dont je vous parlais du réseau pour un commerce juste, qui reprend donc les 10 raisons et qui explique un petit peu pourquoi l'accord est dommageable finalement pour la collectivité, ben il rappelle que les ententes de libre-échange ont quand même joué un grand rôle dans la crise écologique mondiale actuelle, puisque ces ententes-là, elles participent en fait d'un modèle économique mondial qui est excessivement énergivore et qui est très vorace en ressources naturelles. Ça promeut vraiment une accélération des échanges, qui sont pas toujours très intelligents, hein. Le fait d'avoir en hiver des bananes qui viennent d'excessivement loin, ben tout ça, c'est un coût écologique très, très important. Et donc ces accords-là, par nature, par construction, ils ont une démarche anti-écologique. Mais en plus, le gros problème avec des accords comme l'AECG, c'est que ça nuit à la capacité des gouvernements d'agir pour protéger l'environnement, puisqu'en fait, les mesures qu'un gouvernement pourrait prendre dans le sens d'une protection environnementale, ben elles peuvent être considérées par les autres pays partenaires ou par les multinationales étrangères comme des mesures protectionnistes, comme des mesures qui portent atteinte à leur droit de commercer qui est inclus dans l'accord, et donc elles peuvent être attaquées par les compagnies étrangères ou par les États avec lesquels on est en accord de libre-échange. Donc là aussi, c'est vraiment une grosse inquiétude, puisque la défense de l'environnement, c'est quand même un des gros thèmes sur lesquels il faudrait œuvrer. On sait que le Canada actuellement est pas très chaud sur ces dossiers-là, mais en tout cas, c'est une raison de plus pour la société civile de se mobiliser dans le cadre de négociations comme celle-ci. En tout cas, c'est sûr qu'au Québec, on n'est pas insensible à cette raison-là. Sixième raison de s'inquiéter. Alors la sixième raison, dans le même ordre d'idée, le sixième point, il dénonce les menaces que font peser l'accord sur notre souveraineté alimentaire, puis sur le droit des agriculteurs aussi. Okay. Alors ici encore, le problème, c'est que l'accord risque bien de renforcer le contrôle qu'exercent les multinationales sur notre production alimentaire. Ah bon? qui est pourtant déjà considérable. On a vraiment un modèle alimentaire où les multinationales prennent de plus en plus de poids. On assiste à une grosse concentration là-dedans, notamment par toutes les ce qui est biotechnologie, OGM, et après par un dépôt de brevets qui oblige finalement les agriculteurs à avoir recours à ces procédés-là. On sait par exemple que des entreprises comme Monsanto, qui sont très actives dans les OGM, ben elles fabriquent des semences qui sont pas renouvelables, donc ça oblige les agriculteurs à aller se fournir chaque année auprès de la compagnie. Ça les oblige aussi à aller utiliser les pesticides que la compagnie a fabriqués, parce que les semences sont résistantes qu'à ces pesticides-là, etc., etc. Donc le problème avec un accord de libre-échange comme ça, c'est que ça renforce finalement le poids de ces multinationales-là dans notre système agricole. Et ça empêche aussi toute intervention publique qui serait destinée, par exemple, à privilégier une agriculture plus locale, plus respectueuse de l'environnement. Peut-être moins de monoculture. Voilà, par exemple, avec des cultures plus variées, puis moins extensives et moins qui ont un moindre impact sur le sol, parce qu'on sait que notre modèle actuel, il est excessivement exigeant sur le sol. On épuise très vite nos sols, notamment. Et l'autre problème, c'est que l'accord risque de renforcer aussi le contrôle, donc je disais, qu'exercent les firmes multinationales sur les agriculteurs et sur leur utilisation de semences, de pesticides, etc., par le biais d'une consolidation des droits de propriété intellectuelle. Ce qui est vraiment fou d'observer avec la négociation en cours, c'est que des pseudo-ententes de libre-échange comme celle-là, ça consiste pas vraiment à juste lever toutes les barrières au commerce puis à laisser le marché fonctionner comme on nous le présente souvent. Oui. Ça consiste plutôt vraiment à mettre en place de nouvelles règles du jeu. Donc ça, on met vraiment en place des nouvelles règles, on met tout un cadre réglementaire nouveau en place sous couvert de libre-échange, mais qui en fait favorise les plus gros acteurs et favorise les multinationales. Donc les petits producteurs, se retrouvent complètement lésés, se retrouvent sans aucun moyen, premièrement, de concurrencer, et deuxièmement, d'être soutenus par l'État. C'est pas tellement surprenant ce cas de figure-là, puisque comme on l'a dit, les multinationales sont finalement les seules à être consultées dans les processus d'élaboration de ces accords-là de libre-échange, donc c'est normal que ça mette en place finalement des règles du jeu qui leur sont éminemment favorables, quoi. Tout à fait. Alors, ça a bien du sens jusqu'à maintenant. Toutes ces raisons de s'inquiéter. Maintenant, on est rendu à la septième. On est rendu à la septième. On touche au bout. Donc le septième point, il concerne en fait la menace que fait peser l'accord sur la culture et sur les communications. Ah, ça oui. aussi, c'est un point qui est assez important pour le Canada, puis pour le Québec en particulier. Pour l'instant, il existe quand même différentes lois au Canada et au Québec qui visent à protéger l'identité culturelle du Canada ou du Québec, et qui obligent par exemple que les compagnies de télécommunications et les diffuseurs soient contrôlés majoritairement par des Canadiens. On empêche les capitaux étrangers de posséder plus qu'une certaine partie des parts et des actions des compagnies de télécommunications et diffuseurs. Mmh. Or, l'accord qui est en train d'être négocié entre le Canada et l'Europe, il vise à faire disparaître évidemment ces restrictions-là, comme dans tous les autres secteurs, hein, c'est toujours la même chanson, ce qui limitera finalement la possibilité de pouvoir promouvoir par exemple des contenus québécois ou canadiens dans les médias. Et puis comme pour le reste, ça pourrait aussi menacer l'accès de tous aux services de télécommunication, puisque c'est toujours la même idée, les multinationales étrangères pourraient prendre le contrôle de ces compagnies de télécommunication, en tout cas d'une partie du secteur, et donc couper par exemple des services qu'ils jugeraient non rentables, augmenter les tarifs, c'est toujours la même idée. Le gouvernement se retrouverait dans une moindre possibilité d'intervenir et donc de réguler les pratiques de ces compagnies-là, puisque s'il le fait pour des compagnies étrangères, ça peut être considéré comme du protectionnisme. Donc ces ententes-là... ont toujours pour effet de lier les mains du gouvernement par rapport au comportement des compagnies et dans le cadre de la culture et de l'identité culturelle, mais c'est quand même aussi un sérieux problème, un sérieux risque. Alors, assez complexe là aussi. Et huitième raison? Alors, la huitième raison, le document en question, il dénonce la menace que fait peser l'accord sur les droits des autochtones. Ici aussi, c'est un sujet quand même assez important qu'on évoque assez peu. Il faut rappeler que le Canada est un des rares pays à pas avoir signé la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Il est le seul parmi 4 pays. Normalement, les autochtones, ici au Canada, ils doivent être consultés et ils sont censés donner leur accord avant la réalisation de tout projet qui aura un impact sur le territoire. Dans les faits, évidemment, c'est très rarement appliqué. On ignore souvent cette règle-là. Le problème, c'est qu'avec un accord comme celui qui est en train d'être négocié, comme l'AECG, ça risque d'être d'autant plus le cas, puisqu'on ouvre la porte vraiment aux multinationales pour venir s'implanter ici. Et donc, on risque très fortement de voir une multiplication des conflits entre les droits des peuples autochtones et puis les multinationales. Et le problème, c'est que l'accord donne vraiment beaucoup de pouvoir, d'autant plus de pouvoir à ces acteurs-là par rapport aux autochtones. Donc, il y a vraiment une grosse inquiétude de ce côté-là aussi. Avant-dernière raison, maintenant. Alors, l'avant-dernière, donc la neuvième, ça concerne la qualité des emplois ici au Canada et puis le droit du travail. Je voudrais quand même vite rappeler que c'est les mêmes raisons en Europe, en fait. On parle ici des raisons pour lesquelles le Canada doit s'opposer. Comme je vous l'ai dit, la lettre a été signée par des Européens et puis au niveau de l'Europe, c'est vraiment la même considération. C'est pas une question de pays contre pays. C'est vraiment une question d'un accord qui favorise les multinationales au détriment des populations respectives des deux pays. Donc c'est important de le rappeler. Donc je disais, le neuvième point, il concerne la qualité des emplois et le droit du travail. Le problème avec ces accords-là de libre-échange, c'est qu'ils risquent fort de renforcer la position du Canada, qui actuellement tend de plus en plus à devenir un simple fournisseur de matières premières au niveau international. Et ça se fait au détriment d'emplois dans des secteurs plus riches en emplois, comme le secteur manufacturier par exemple. On a perdu énormément d'emplois dans ce secteur-là, notamment dans le cadre de ces accords de libre-échange. Et notre nouvel avantage, ça devient les ressources naturelles. Or, on sait le coût que ça a pour l'environnement, puis ça génère aussi excessivement peu d'emplois. Donc les avantages sont accaparés par quelques privilégiés, alors que la population en général en bénéficie assez peu, parce que ça génère très peu d'emplois, puis ça dégrade son environnement. Donc l'accord risque vraiment de renforcer cette tendance-là. Et puis parallèlement, ça risque aussi d'avoir un impact sur les droits des travailleurs, puisque ça risque probablement de fragiliser leur position par rapport à des multinationales qui pourront d'autant plus faire jouer l'argument qu'elles font déjà jouer pour l'instant allègrement de la concurrence internationale, du fait qu'il faut pas avoir trop de revendications parce que la concurrence est dure, etc. Trop de syndicats. Voilà. Donc cet argument-là, on l'entend encore et encore. Et donc un accord comme ça, ça va renforcer le pouvoir, le rapport de force qu'ont déjà les multinationales dans le contexte actuel. Puis ça va leur permettre justement de renier encore un petit peu plus sur les droits qui ont été acquis ici au niveau du travail. Et finalement, pour terminer, la dixième raison. Oui, alors la dixième raison, le dernier point qui est soulevé par le document et qui est peut-être un des plus fondamentaux, ce qui reprend un petit peu une logique qui sous-tend tous les autres points, c'est qu'en fait, l'AECG, il menace vraiment directement nos droits démocratiques. Comme la plupart des accords de libre-échange, il viendrait en fait instaurer la primauté des droits économiques sur des entreprises. Il viendrait instaurer la primauté des droits économiques des entreprises par rapport à la volonté des gouvernements d'agir, par exemple, en faveur de l'emploi, de l'environnement ou des entreprises locales. Donc c'est quand même une sérieuse atteinte au fonctionnement démocratique des États. puisque au nom du commerce et de la liberté de commerce, ben, on va empêcher ces États-là d'exercer leur pleine souveraineté en matière de protection de l'environnement, en matière de protection sociale ou en matière de développement économique sur la façon dont ils veulent orienter leur développement. Ça va même encore plus loin que ça, puisque les négociateurs actuels veulent la mise en place d'un véritable droit de poursuite pour les multinationales contre les États, lorsque ces multinationales estiment qu'une des législations de l'État en question limite leurs profits. Ce sera en fait le même genre de mécanisme qui était proposé dans l'AMI, on l'a dit, mais qui a été mis en place aussi dans le cadre de l'ALENA, le fameux chapitre 11, mm-hmm. qui installe justement ce droit de poursuite pour les entreprises par rapport aux États, qui non seulement les entreprises dans le cadre de ce droit-là, elles peuvent attaquer des États pour des mesures qui leur auraient effectivement fait perdre de l'argent, mais elles peuvent aussi attaquer les États pour des mesures qui leur font perdre des profits qu'elles espéraient réaliser en fait. Donc une multinationale pourrait attaquer, d'ailleurs ça a déjà été le cas, attaquer un État qui adopte une législation environnementale en disant cette législation-là, elle m'empêche de faire des profits futurs, donc c'est considéré pour moi comme une perte, vous devez me compenser, vous devez me donner une indemnisation à ce titre-là. Et il y a déjà, on connaît des exemples où, notamment ici au Canada, avec un cas célèbre, où le Canada a dû verser une compensation à une compagnie américaine pour une législation environnementale qui devait l'empêcher, en théorie, de faire des futurs profits, donc elle avait rien perdu en réalité. Donc on voit toute l'étendue du problème qui se pose là en matière de souveraineté. En plus, les tribunaux qui se chargent de ce genre de litige-là, bah, c'est des tribunaux qui sont formés ad hoc sur le tas, et ils sont composés d'experts qui n'ont absolument aucune espèce de légitimité démocratique, puisqu'ils répondent absolument pas aux organes politiques des différents États. C'est des experts privés qui sont déterminés en vertu de l'accord et qui vont en plus trancher l'accord sur la seule base des règles commerciales, donc ils vont prendre en compte que l'atteinte ou non à la liberté de commerce, donc ils vont pas du tout prendre en compte, d'ailleurs c'est même pas qu'ils le veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas, ils sont juste en droit de trancher le litige en vertu des règles commerciales, donc ils peuvent pas prendre en considération les contraintes environnementales, sociales ou Donc c'est seulement la suprématie de l'économie. Tout à fait, de l'économie et du commerce, donc c'est vraiment gravissime. Donc pour attaque, on pense que c'est toutes les menaces que je viens de citer sont extrêmement sérieuses. Tout à fait. Et qu'en plus, ce sont des mesures contre lesquelles les populations se sont déjà opposées à nombreuses reprises. Mm-hmm. On l'a dit, il y a une grosse mobilisation contre l'AMI pour le défaire. Il y a une grosse mobilisation aussi contre la zone de libre-échange des Amériques, ici même à Québec, en 2001. Et c'était toujours à chaque fois le même modèle d'accord de libre-échange qu'on nous ramène sur la table, donc c'est quand même scandaleux qu'on essaie encore une fois de plus de nous imposer le même genre de modèle alors que ça a été rejeté encore et encore et qu'on a dénoncé encore et encore tous les problèmes qu'il y avait avec ces modèles-là et qu'on vienne encore nous ramener la même chose et en plus derrière notre dos, parce que les négociations sont en train d'être menées largement en secret, mais c'est particulièrement scandaleux. Tout à fait. Alors, c'est justement qu'est-ce que les gens peuvent faire. Alors, ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout à fait. Ben alors, pour les gens que ça intéresse ou en tout cas que ça inquiète aussi, ben une des premières choses, comme d'habitude, c'est évidemment de contacter les conseillers municipaux, les députés provinciaux, pardon, parce qu'il faut savoir que les provinces sont associées aux négociations, ce qui est inquiétant aussi, parce que ça veut dire que on espère que leurs compétences entrent dans le cadre de l'accord. Donc, contactez vos conseillers municipaux, vos députés provinciaux, vos députés fédéraux aussi, et puis vous pouvez aussi ensuite aller sur le site que je vous ai cité déjà tantôt de la coalition du réseau pour un commerce juste. Vous pouvez aller voir là toute l'évolution du dossier, toutes les différentes actions qui sont menées. Il y avait notamment une manifestation cet après-midi même à Ottawa dans le cadre de la fin de la cinquième étape de négociation. Il y en aura probablement d'autres après, en coordination aussi avec les partenaires en Europe. Donc je vous invite vraiment à visiter le site, à rester vigilant sur ces mobilisations là, puis on en reparlera probablement à l'avenir. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que ça va être un dossier chaud ici à l'émission. Alors, eh bien, merci Cédric. On invite vraiment nos auditeurs à se mobiliser autour de cet enjeu. Il y a toujours le site d'Attaque Québec et également le site de le réseau de la pour le commerce juste. Ouais. Merci Cédric. Donc, on va devoir s'arrêter là, le temps d'une pause publicitaire, et on se retrouve après avec Marie-Josée Vachon pour notre deuxième partie d'émission consacrée à l'Amérique latine et les femmes et la politique en Amérique latine. À tout de suite. Vous pourriez vivre vos rêves au max. Parce que ce vendredi, le gros lot du Lotomax est évalué à 44 millions de dollars. 44 millions. Lotomax. Chaque vendredi, les soirées du bleu au noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle, branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Tu sais que pour l'immigration... Dans le passé, la communauté anglophone constituait 50% de la population de la ville de Québec. Aujourd'hui, cette communauté ne représente que 10% de la population. À Québec, il existe un centre culturel anglophone, plusieurs lieux de culte anglicans. Cette semaine, l'émission Égalité genre féminin vous propose une incursion dans cette communauté anglophone. Égalité genre féminin avec Sophie Gall, jeudi 21 octobre à 9h30 sur les ondes de CKRL. Cette émission est produite en partenariat avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Figure de proue du paysage musical canadien depuis 20 ans, Gordon Downie s'amène au Cercle le 22 octobre prochain. Dans le sillage de son nouvel album The Grand Bounce, le troubadour du rock propose un univers musical ancré dans l'Americana, appuyé par une poésie intelligente et éclectique. Billets en vente sur le réseau Billetek et au Cercle, 418-948-8648. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30, cultivez vos goûts. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. On est rejoint par Marie-Josée Vachon, notre chroniqueuse spécialiste de l'Amérique latine. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Valérie. Alors cette semaine, elle a décidé de nous parler de les femmes et la politique en Amérique latine. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben en fait, c'est la Marche mondiale des femmes qui a eu lieu récemment, qui m'a donné l'idée de parler des femmes et de la politique en des femmes en politique en Amérique latine. Il faut dire aussi qu'au Brésil, en ce moment, c'est une femme qui est en tête dans les sondages pour remporter les élections présidentielles. Bon, ben, en Amérique latine, ben, dans le monde, je vais commencer par parler en gros en Amérique latine. En fait, entre 1945 et 2005, dans le monde, il y a 17 pays différents qui ont été gouvernés par des femmes. Ah, oui, quand même. Et plusieurs parmi ces pays, plusieurs de ces pays ont vu se succéder à leur tête des présidentes, bon, différentes. On retrouve 6 pays d'Amérique latine. Donc, on peut dire d'entrée de jeu que les femmes en politique ça fait quand même assez longtemps en Amérique latine qu'on en retrouve par rapport à d'autres continents. En Amérique latine, l'Amérique latine en général a enregistré une évolution en matière de pourcentage de femmes au Parlement entre 1995 et 2005. Durant cette période-là, il y en a eu quand même un certain nombre. Okay. C'est assez intéressant. Alors, est-ce que tu veux nous parler d'une femme à la présidence du Brésil? Oui, ça vaut la peine de parler de Dilma Rousseff. Là, je le prononce pas avec l'accent portugais du Brésil. Bon, en fait, Madame Rousseff est la successeure de Lula à la tête du Parti des travailleurs. Mm-hmm. C'est le parti qui est au pouvoir au Brésil. Dilma Rousseff se trouve à être l'ex-directrice de cabinet de Lula. Lors du second tour des élections présidentielles qui va avoir lieu le 31 octobre prochain, elle pourrait devenir la première femme présidente du Brésil. Au premier tour, Madame Rousseff a recueilli 47% des voix contre 32,6% pour son principal adversaire, le social-démocrate José Serra, qui est considéré comme un centriste sur l'échiquier politique. Mm-hmm. José Serra a été maire de Sao Paulo. Il a été gouverneur de l'État de Sao Paulo. Il a été ministre dans le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso. Au présidentiel de 2002, il était le principal adversaire de Lula et ce dernier, ben, il faut le rappeler, l'a emporté au deuxième tour à la grande satisfaction de la gauche, pas seulement au Brésil, mais dans le monde entier. Tout à fait. Le Parti des travailleurs du Brésil et le mouvement des sans-terre ont fait parler d'eux beaucoup dans les forums sociaux, dans les groupes de discussion, dans les partis de gauche, partout, quand Lula a été élu. Vraiment, le Brésil a fait parler de lui par la gauche, là, partout dans le monde. Mm-hmm. Pour revenir à Dilma Rousseff, elle est la favorite dans les sondages face à José Serra. Il y a plusieurs analystes politiques qui disent que lors du premier tour des élections présidentielles qui a eu lieu le 3 octobre, elle aurait pu l'emporter si la candidate du Parti vert et ancienne ministre de l'Environnement, Marina Silva, n'avait pas décroché 19 % des voix, mm-hmm. ce qui est un score tout à fait inattendu pour elle. Donc là, on voit encore une autre femme en politique. Mais oui, là, tout à fait. Mm-hmm. C'est ça qui est assez populaire au Brésil. Donc, il y en a plusieurs qui disent que Madame Silva a privé Dilma Rousseff de la victoire dès le premier tour. Ah bon? Ce serait intéressant de surveiller les élections au Brésil le 31 octobre prochain, là, les élections, le deuxième tour, pour voir si une femme se retrouvera pour la première fois à la tête de ce pays de 136 millions d'électeurs. Tout à fait, tout à fait. Et par la suite, tu voulais nous parler donc du Chili, donc oui, la ben, droite qui reprend le pouvoir au Chili. Oui, bon, on vient de parler de Madame Rousseff là, qui est sur le qui va peut-être, mm-hmm. probablement, en tout cas fort possiblement, prendre la tête du pays au Brésil. Elle, c'est la gauche. Mais mm-hmm. au Chili, il y avait la gauche aussi, en la personne de Michelle Bachelet, qui était mm-hmm. au pouvoir. Mais récemment, en mars dernier, Michelle Bachelet a terminé son mandat de 4 ans à la présidence du Chili. C'est un mandat qui avait débuté en 2006. Il faut dire qu'en 2005, la Constitution du Chili a été amendée. Et depuis l'approbation de cette réforme constitutionnelle, le mandat présidentiel est maintenant limité à 4 ans. Mm-hmm. On aurait pu penser que... Parce que Mme Bachelet, quand elle a terminé son mandat, elle était très populaire au Chili. Mm-hmm. Donc, on aurait pu penser que la gauche l'aurait emportée facilement. Mais non. La gauche l'a pas emporté lors des dernières élections. En 2006, quand Madame Bachelet avait remporté l'élection présidentielle, elle l'avait remporté contre son principal adversaire était un candidat de droite qui s'appelle Sébastien Piñera. C'était en 2006, la victoire de Madame Bachelet était une victoire historique, mm-hmm. parce que c'était la première fois au Chili qu'une femme était élue présidente, ah oui. et que c'était la première fois en Amérique latine qu'une femme était élue au suffrage universel direct. Ah, wow. Je commencerai pas à expliquer c'est quoi le mm-hmm. suffrage universel direct, mais c'est un mode un suffrage qui est comme aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens votent. Mais c'est pas nécessairement ils peuvent voter pour un candidat qui va obtenir le candidat aux élections présidentielles qui obtient le plus grand nombre de votes n'est pas nécessairement celui qui va accéder à la présidence. On a un exemple aux États-Unis, c'est quand George W. Bush est entré au pouvoir contre Al Gore. Mm-hmm. Al Gore avait eu plus de en nombre de votes, en avait eu plus, mais c'est quand même Bush qui est entré au pouvoir. Donc, le suffrage universel direct, c'est comme on a ici, dans le fond, c'est que les gens votent, c'est celui qui obtient le plus grand nombre de votes qui obtient le pouvoir. Donc, elle a été la première femme élue au suffrage universel direct. Tout à fait. En Amérique latine. Bon, ben, en janvier 2010, qui était le principal adversaire de Michelle Bachelet en 2006 s'est présenté aux élections de 2010 et il l'a remporté. Donc, il a été élu président du Chili, un homme de droite, un candidat de droite. Piñera est un richissime homme d'affaires, un milliardaire. Il est surnommé le Berlusconi chilien. Il est vraiment synonyme du retour de la droite au Chili qui, depuis 20 ans, était dirigé par des gouvernements de gauche. Quand même. Mais quand même, il faut pas penser que Piñera va gouverner le Chili à la manière de Pinochet, là, quand même. Faut pas penser ça. Il s'était d'ailleurs opposé au retour au pouvoir de Pinochet lors d'un référendum organisé en 88. Et il a affirmé qu'il comptait s'inscrire dans la continuité de Michel Bachelet, c'est-à-dire qu'il a pas l'intention de tout défaire ce que la gauche a bâti depuis 20 ans. Donc, bien, merci Marie-Josée pour ces renseignements. On va devoir se quitter un instant, le temps d'une pause musicale. On se retrouve tout de suite après, toujours avec Marie-Josée Vachon pour la suite de sa chronique Amérique latine. Restez avec nous. Sans histoire, nous femmes peuple du moment, portons en nous par hasard le portrait d'un drôle de tourment. Si votre Dieu nous a fait sans âme, qu'il serait fort cruel, mes enfants, de brandir contre nous la lame de votre religion de perdant. Ô femmes de tout pays, c'est pour vous que cette chanson simplement fut écrite par un homme, triste situation. Honte sur moi, la honte de leur route, tous ces mauvais bougres aigris, qui jamais, non jamais, ne doutent que Dieu puisse être une femme aussi. Qu'ont-ils donc à se méprendre? Qu'ont-ils donc à lire de travers ces foufanins prêts à se pendre pour la volonté d'une prière? Il me semble très difficile d'imaginer un seul instant que tous ces milliers d'imbéciles naissent de votre corps si charmant. Petite fille d'Algérie, ô belle femme d'Arménie, je me veux de votre pays, je me veux de votre sexe aussi. J'aimerais dans la rue, tout comme vous, descendre défier les plus fous, les musulmans, juifs ou chrétiens, intégristes du petit matin. Ô messieurs, pardonnez-moi, j'essaye d'être le plus sincère, mais savez-vous que si ma foi un jour vécu, ce fut pour ma mère, moi jamais je ne suis certain, et je doute pour le moindre refrain. Je ne prône aucun message, juste un conseil sans faux héritage, qu'un jour vos maudites religions admettent sans fausses intentions qu'il n'y a de plus beau pays que celui qui leur est interdit. Qu'une femme vaut bien plus qu'un homme, qu'une femme vaut bien mieux que ça, que même leur chagrin monotone est plus noble que vos combats. Qu'une femme vaut bien plus, en somme, que les hommes qui se battent ici-là, et que leur chagrin pour les hommes me fait aimer les femmes ici-bas. On a entendu les ogres de Barbac, peuple du moment. Alors merci, vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau. Alors Marie-Josée est avec nous pour sa chronique mensuelle consacrée à l'Amérique latine. Alors maintenant, tu veux, il y a eu plusieurs femmes à la tête d'un pays en Amérique latine, c'est bien ça? Oui, il y en a eu au moins 10. Il y a eu au moins 10 présidentes de différents pays en Amérique latine. Michelle Bachelet est à peu près la huitième femme à être parvenue à la présidence d'un pays en Amérique latine. On a parlé d'elle avant la pause musicale. Après elle, il y a eu en Argentine Cristina Kirchner, qui a été élue en 2007. Et elle a succédé à son mari, Néstor Kirchner. Mm-hmm. Au Costa Rica, Laura Chinchilla a remporté les élections en 2010. Je sais pas si je le prononce bien, là. Elle a remporté les élections en 2010 et est devenue la première femme présidente au Costa Rica. Avant Bachelet, Kirchner et Chinchilla, il y a eu Isabel Martinez de Perón, qui a été présidente de l'Argentine de 1974 à 1976. Elle a été la première en Amérique latine à accéder à la présidence. Elle était l'épouse du président Juan Domingo Perón. Lors des élections présidentielles de 73 en Argentine, elle a accompagné son mari en tant que vice-présidente et ensemble, ils se sont fait élire avec 60% des voix. Donc, quand son mari est décédé l'année d'après, en 74, elle s'est retrouvée seule à la tête du pays comme présidente de l'Argentine. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu la Bolivienne Lidia Geller Tejada de 1979 à 1980. Et en Haïti aussi, il y en a eu une, Herta Pascal Trujillo, qui a été présidente intérimaire en Haïti de 1990 à 1991. C'est elle qui a lancé les élections qui ont porté au pouvoir le très connu Aristide. Mm-hmm. Ensuite, au Nicaragua, il y a eu Violeta Chamorro, faudrait que je roule meilleur, qui a été présidente du Nicaragua de 1990 à 1996. Et au Panama, il y a eu Mireya Moscoso, qui a été présidente de 1999 à 2004. Ensuite, il y a eu Janet Hagen, qui a été présidente de la Guyane de 1997 à 1999. Et en 2001, Sila Maria Calderón est devenue la première présidente élue de Porto Rico. Alors, c'est un beau tour d'histoire, ça. Merci, Marie-Josée. Alors, l'ascension des femmes en politique, est-ce que ça signifie l'amélioration de la condition féminine en général? Alors, question... On est porté à penser que oui. On peut se demander si les présidences féminines sont plus enclines à mettre en avant et à résoudre des problèmes qui touchent directement les femmes. Et on peut se demander si l'égalité des sexes est plus réalisable avec des femmes au pouvoir. Eh bien, il y a des doutes. Ah oui? Oui. Ah. Si on prend la question de la dépénalisation, la légalisation de l'avortement, on note assez peu d'avancées en Amérique latine, dans les pays où il y a eu des femmes au pouvoir. La majorité des pays en Amérique latine restent en désaccord avec cette pratique, sauf dans des cas très spécifiques de danger de mort, là, en fait. Mm-hmm. En Argentine, où c'est actuellement Cristina Kirchner, par exemple, qui est au pouvoir, l'avortement est un thème très débattu. Et malgré le nombre de victimes que l'avortement fait chaque année, pour l'instant, c'est vraiment pas une priorité dans l'agenda politique de la présidente. Ah oui. Autrement dit, la présence de femmes à la présidence de pays en Amérique latine n'est pas nécessairement synonyme d'avancée pour les femmes en ce qui a trait à des questions comme, par exemple, la légalisation de l'avortement. Bon. Alors, très intéressant, Marie-Josée. Tu n'auras sans doute, en tout cas, c'est d'autres questions. On pourra sûrement reparler dans les prochaines chroniques de l'Amérique latine. Alors, tu nous as dressé un beau portrait, revue de presse, disons. Très, là, assez bref, oui. C'était le portrait des femmes en politique. Eh oui. À la présidence, parce qu'en politique, j'ai parlé des femmes en présidence, mais il y a beaucoup de femmes en politique en Amérique latine, dans les ministères, des candidates à des élections municipales. J'ai juste parlé des femmes, là, vraiment à la tête des pays, mais il y a d'autres femmes aussi, là, qu'on n'en parle pas, mais qui se battent beaucoup pour l'amélioration de la situation de la femme en Amérique latine. Alors, à surveiller. Alors, surtout les dernières élections pour le Brésil. Il faut surveiller le 31 octobre, c'est le second tour des élections présidentielles au Brésil. Et le 31 octobre, peut-être qu'on aura la première femme présidente du Brésil, successeur de Lula à la tête du Parti des travailleurs du Brésil. Donc, à surveiller le 31 octobre prochain. Excellent. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette chronique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais également remercier Nicolas Montrand qui était à la mise en onde aujourd'hui et également Cédric Leterme, sans qui l'émission n'existerait pas, et Marie-Josée Vachon pour leur intervention. Alors, juste vous rappeler aussi sur le sujet que Cédric a parlé, donc cette lettre qui démontrait les 10 inquiétudes, entre autres, qui entouraient les négociations de l'accord entre le Canada et l'Union européenne. Donc, vous rappelez que vous pouvez consulter le site du réseau pour le commerce juste, donc au www.tradejustice.ca. Alors, on vous rappelle que les anglais et français sur ce site. Et vous pouvez également surveiller les interventions de Attaque Québec sur le site. Donc, il va y avoir sûrement d'autres actions à ce sujet, donc pour contrer les négociations secrètes entourant cet accord des donc comment on l'appelait déjà, c'est l'accord donc du, alors je suis perdue un petit peu dans mes feuilles là, économique et commercial global. Ah merci Nicolas. Alors c'est ça exactement. Alors, sur lesquels vous trouverez également toutes les informations sur notre organisme et ses actions. Donc, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à l'émission legraindesable@hotmail.com. On se retrouve la semaine prochaine, donc même heure, même journée, donc le vendredi à 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Donc, vous étiez avec Valérie Blouin et je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneault avec 100% Dynamite, tout de suite après la pub, toujours sur CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.